Dossier 5. Obtenir des renseignements par téléphone. Situation 1. Je voudrais obtenir une adresse et un numéro de téléphone. Bonjour, bienvenue sur le 118-008, page jaune. Que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour. J'aurais aimé un renseignement, l'adresse de M. Vanneau.